Mark Emdan, archive.org. D'après, vie et œuvre de l'admirable docteur mystique le bienheureux Père Saint-Jean de la Croix. Traduction faite sur l'édition de Séville de 1702. Publiée, par les soins des Carmélites de Paris, Librairie religieuse Houdin 1893. Licence Creative Commons, pas d'utilisation commerciale, partage à l'identique. Chapitre 38. Comment on doit se servir des églises et des oratoires pour élever son esprit à Dieu. Le but des lieux consacrés à la prière est de conduire l'âme à Dieu, hâtons-nous de le dire, il est très permis, et même utile au commençant, d'éprouver un attrait, un goût sensible pour les images, les oratoires et les autres objets de piété. Ils n'ont pas perdu le goût des choses du siècle, et leur âme n'étant pas encore assez mortifiée, cette jouissance sensible leur est indispensable pour les détacher des plaisirs d'ici-bas. Ainsi en est-il de l'enfant, à qui on présente un objet avant de lui retirer celui qu'il tient, afin de le distraire et de l'empêcher de pleurer. S'il se voyait les mains vides, toutefois, après ses premiers pas dans la perfection, il faut rejeter avec courage les plaisirs et les joies dans lesquels l'âme trouvait sa satisfaction. L'homme vraiment spirituel est fort peu touché par les objets extérieurs. Il s'adonne de préférence au recueillement et à l'entretien intime avec Dieu. S'il fait usage des tableaux et des oratoires, ce n'est qu'en passant, son esprit s'absorbe aussitôt en Dieu, et oublie tout ce qui l'entoure. Les endroits les plus décents conviennent mieux à la prière, je ne le conteste pas, mais, malgré tout, on doit choisir de préférence ceux qui captivent moins les sens, et où le cœur est plus libre pour prendre son essor vers Dieu. On peut appliquer à ce sujet la réponse de notre adorable Sauveur à la Samaritaine, qui lui demandait quel était, du temple ou de la montagne, le lieu le plus favorable à la prière. Il lui fut dit que la qualité de la véritable oraison était indépendante des limites de tel ou tel endroit. Le temps vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 23, 24. Sans doute les églises et les oratoires sont exclusivement destinés à la prière, et sont propres à favoriser cet exercice. Cependant pour le commerce intime de l'âme avec Dieu, dans l'oraison, il faut donner la préférence au lieu qui peut le moins occuper les sens. Certaines personnes ont tort de choisir des endroits agréables et flatteurs pour la nature. Il est à craindre que loin d'y trouver un motif de recueillement, les sens ne s'y récréent dans une vaine complaisance. Au contraire, un site solitaire et d'un aspect austère facilite l'oraison, l'esprit n'étant plus retenu et borné par les choses visibles, monte d'un vol plus sûr et plus direct vers Dieu. Enfin, si les objets extérieurs aident parfois l'esprit à s'élever, c'est à la condition qu'il les oublie aussitôt pour se fixer en Dieu, notre divin Sauveur, qui doit être notre premier modèle, choisissait habituellement pour prier les lieux solitaires, qui favorisent l'ascension de l'âme vers son Créateur, sans donner prise à la satisfaction des sens. Telles sont les montagnes, qui se dressant majestueuses au-dessus de la terre et étant le plus souvent dénudées, n'offrent à la partie sensitive aucune récréation. Ainsi le vrai spirituel ne songe qu'à se procurer le recueillement intérieur, par l'oubli de tout le reste. Il préfère, pour atteindre son but, l'endroit le plus dépourvu des charmes capables d'impressionner les sens, et s'il refuse son attention aux objets extérieurs, c'est afin de pouvoir s'entretenir seul à seul avec son Dieu. Dans l'isolement de toutes les créatures, je m'étonne vraiment de voir des personnes pieuses, dont l'unique occupation est de parer leurs oratoires. et de disposer les lieux de prière selon leur goût et leur caprice, elles ne se mettent guère en peine de se recueillir, ce qui néanmoins est la chose la plus importante, aussi n'ont-elles pas d'esprit intérieur, car si elles en avaient tant soit peu, loin de trouver leur jouissance dans ces occupations minutieuses, elles en ressentiraient au contraire une réelle fatigue. Chapitre 39. Sur le moyen d'acheminer l'esprit au recueillement intérieur, par l'usage des choses dont il est question, suite. Il y a des âmes qui jamais ne parviennent à entrer dans les véritables joies de l'esprit, parce que jamais elles ne retranchent définitivement à leur appétit. La jouissance immodérée des objets extérieurs est sensible, que ces âmes ne l'oublient pas, si les temples et les oratoires matériels sont des lieux consacrés d'une manière spéciale à la prière, et si l'image est l'objet qui ravive la ferveur. Ce n'est pas à dire qu'il faille diviser les forces de la dévotion sur les sanctuaires, ou sur les tableaux dont ils sont ornés, l'important est de ne point négliger la prière dans le temple vivant, c'est-à-dire le recueillement intérieur dont l'apôtre saint Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que son esprit habite en vous ?» 1 Corinthiens 3, 16. Et le Christ nous l'assure en ces termes par saint Luc, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Citation 17, 21. Ces paroles nous rappellent l'admirable réponse de notre Seigneur à la Samaritaine, « Il faut que ceux qui adorent Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. Dieu estime fort peu vos oratoires et vos lieux de prière, où le luxe déborde, si en y mettant votre jouissance et votre satisfaction, vous perdez une parcelle du dénuement intérieur, ou de la pauvreté d'esprit, acquise à force d'actes de renoncement à toutes les choses que vous pouvez posséder, si vous voulez que la volonté, purifiée de la joie et de la complaisance frivole, qu'elle puise dans les objets extérieurs, s'élève libre vers Dieu à l'heure de la prière, votre unique soin doit être de conserver votre conscience pure, et de fixer toutes les aspirations de votre esprit et de votre cœur en Dieu. À cette fin, choisissez le lieu le plus écarté, le plus solitaire que vous pourrez trouver, et appliquez l'attrait et la joie de votre volonté à louer Dieu et à invoquer son saint nom. Quant à ces petites douceurs, à ces mille jouissances extérieures, n'y faites pas attention et passez outre généreusement, car si l'âme s'accoutume à savourer la dévotion sensible, jamais elle ne parviendra à goûter, à la faveur du recueillement intérieur, le suc des délices spirituels qui se trouvent dans la nudité de l'esprit. Chapitre 40. De certains dangers auxquels sont exposés ceux qui goûtent une jouissance trop sensible dans les objets et dans les lieux de dévotion. La recherche des douceurs sensibles cause à l'homme spirituel de très grands préjudices, tant intérieurs qu'extérieurs. Il faut franchir tout le cré, sevrer l'âme de tous les goûts sensibles, et la faire entrer dans le centre le plus profond d'elle-même, pour y travailler avec efficacité à l'acquisition des vertus. C'est une condition sine qua non de la solitude intérieure. À l'extérieur, l'homme rencontre cet inconvénient, de ne pouvoir pas s'accommoder de tous les lieux pour prier, et de n'être disposé à le faire que dans ceux qui flattent ses inclinations. Il sera tenté d'omettre ses exercices de piété. Il ne sait lire, comme on le dit vulgairement, que dans le livre de son village. En outre, ces tendances naturelles sont la cause d'une très grande mobilité. On en voit qui sont incapables de demeurer longtemps au même endroit, ni de persévérer dans un état. Aujourd'hui vous les verrez ici, et demain là, tantôt ils se retirent dans un ermitage, tantôt dans un autre, un jour ils ornent un oratoire, et ce sera le tour d'un autre le lendemain. Nous mettons de ce nombre les gens inconstants, qui passent leur existence à changer d'état et de manière de vivre, comme ils ne sont soutenus dans les exercices spirituels que par la ferveur et la joie sensible. Jamais ils ne font d'efforts sérieux pour recueillir leur sens intérieur par l'abnégation de la volonté et par la patience à supporter les moindres contrariétés, à peine découvrent-ils un site conforme à leur dévotion, ou un genre de vie qui cadre avec leur goût et leur humeur, qu'ils y courent aussitôt, et abandonnent celui qu'ils occupaient auparavant, mais poussés par cet attrait sensible, ils ressentent bientôt après le besoin de chercher autre chose, parce que la sensibilité est, de sa nature, inconstante et variable.